Chapitre 2e, la pagode. Entouré des plus tendres soins par la vieille Monique, Déoda grandit sous l'œil du père Joseph. On lui apprit à lire et à écrire les caractères tamouls, qui étaient ceux de sa race, et aussi les caractères romains. À 12 ans, il parlait bien sa langue naturelle, s'exprimait assez correctement en français, et savait assez de latin pour comprendre le sens des prières qu'il récitait par cœur. On eut vainement cherché parmi tous les brahmanes de la presqu'île, et même parmi ceux de Bénarès, un vieillard aussi instruit que cet enfant. Il est vrai que Déoda ne connaissait guère les légendes mythologiques des Puranas. Il ignorait les divers systèmes de philosophie qui ont partagé les savants hindous en écoles rivales. Mais il était initié aux vérités qui ont civilisé le monde. Il avait sur le bien et le mal, sur la morale et sur la vertu, des notions certaines. Dans les humbles familles au milieu desquelles il vivait, régnaient des sentiments de justice et de charité, qui contrastait de la façon la plus complète avec la dégradation des idolâtres. Le jeune brahmane baptisé s'épanouissait donc, heureux et libre, au sein de ce petit monde de frères d'où les préjugés de caste étaient bannis. Parfois, cependant, il revenait à l'esprit qu'il appartenait à la puissante tribu brahmanique. Parfois, le démon de l'orgueil lui soufflait à l'oreille que tous ces chrétiens, issus de basse extraction, n'étaient que de viles créatures faites pour s'incliner devant lui. Mais les habitudes de soumission et d'obéissance le maintenaient dans le devoir. Il occupait d'ailleurs une place à part au milieu des enfants de son âge. Le père Joseph, qui lui reconnaissait plus d'aptitude qu'aux autres, s'étudiait à développer son intelligence. Il l'emmenait avec lui dans les voyages que les soins de son ministère l'obligeaient à entreprendre chaque année, et Déoda, avide d'apprendre, s'instruisait dans ce commerce de tous les instants avec un homme doué d'un esprit solide et d'un grand cœur. Quelquefois, le maître s'étonnait des progrès que faisait son élève. Souvent aussi, il s'inquiétait de surprendre en lui des instincts impérieux, des velléités d'indépendance, qui trahissaient chez le jeune hindou une nature inquiète et égoïste. Aussi évitait-il, le plus qu'il pouvait, de laisser son pupille aborder de trop près ces pagodes célèbres, sanctuaires de l'idolâtrie, où les brahmanes, réunis en grand nombre, passent leur vie dans une fière oisiveté plus redoutée du reste des mortels que les divinités dont ils desservent les temples. Mais comme l'a dit un poète de l'Inde, ce que le destin écrit sur la pierre, nul ne peut l'effacer. Une circonstance imprévue vint déjouer toutes les précautions que le père Joseph avait prises pour tenir son pupille à l'abri des influences brahmaniques. Les fatigues d'un ministère pénible, exercé pendant de longues années sous un climat dévorant, avait épuisé ses forces. Le missionnaire reçut de ses supérieurs l'ordre d'aller à Pondichéry pour s'y reposer, et il résolut d'emmener Déoda, qui saisit avidement cette occasion de visiter l'une des plus agréables villes de la côte de Coromandel. « Mon cher fils, dit la vieille Monique au jeune néophyte au moment de le quitter, aie grand soin du padre, car c'est à lui que tu dois la vie. Je vous le promets, répondit Déoda. Tandis qu'elle pressait dans ses bras cet enfant qui avait grandi près d'elle, une jeune fille à peine adolescente, au regard modeste, drapée dans la longue robe blanche que portent les chrétiennes de l'Inde, se tenait immobile sur le seuil de la porte. « Tiens, ajouta Monique, voilà la petite Nanny qui vient te faire ses adieux. Ah, nous serons bien seuls pendant ton absence. Qui donc nous fera la lecture chaque soir à l'ombre des cocotiers ?»« Adieu, Nanny, dit Déoda en serrant la main de la jeune fille. « Tu prieras pour moi, n'est-ce pas ?» La jeune fille répondit par un signe de tête et se détourna pour cacher ses larmes. Déoda avait toujours été pour elle comme un frère. Leur enfance était écoulée dans une douce et innocente intimité, jusqu'au jour où, devenus l'un et l'autre plus avancés en âge, il avait paru sage à l'austère Monique de s'interposer entre eux comme une mère attentive. Il fallut partir, et Déoda, en s'éloignant du village de Tirébelli, se sentit le cœur gros. Lorsque les croix plantées sur les maisons disparurent derrière le feuillage, il lui sembla qu'il laissait dans ce lieu paisible la meilleure partie de lui-même. Pour qui n'a jamais quitté le clocher natal, la moindre absence prend les proportions d'un éternel adieu, surtout quand il s'agit de traverser des pays où les moyens de locomotion sont ceux des temps primitifs. Les deux voyageurs n'avaient qu'un cheval sur lequel ils montaient tour à tour. Ils allaient donc à petite journée. Déoda, dans toute la vigueur de la jeunesse, il venait d'entrer dans sa 18e année, marchait assez vite pour suivre le trot du cheval, mais la pauvre bête ne pouvait courir longtemps sur les routes brûlantes sans faire halte, et quand le père Joseph cédait sa place au néophyte, il fallait que celui-ci maintînt la bête au pas, sous peine de laisser bien loin en arrière le vieillard essoufflé. C'était un spectacle touchant de voir ces deux hommes, l'un brisé par l'âge, l'autre encore adolescent, l'un né en Europe et représentant de la civilisation chrétienne, l'autre fils de l'Asie et appartenant à la vieille race brahmanique, cheminer côte à côte comme un père avec son fils et partager fraternellement une poignée de riz à l'ombre d'un buisson. Le soir, ils s'arrêtaient dans les villages et allaient prendre leur gîte de la nuit dans quelque chauderie solitaire. Parfois, ils s'y rencontraient des voyageurs musulmans, des pèlerins hindous se rendant à quelques pagodes célèbres, des marchands attachés à la secte dissidente des Jaina. Chacun se tenait tranquille dans son coin, récitant ses prières et s'acquittant des pratiques de son culte, sans affectation comme sans honte, avec cette parfaite liberté d'action qui s'établit d'ordinaire dans les pays où plusieurs religions ont successivement prévalu. Cependant, la santé du père Joseph, déjà fort ébranlé, s'altérait de plus en plus. Il souffrait de la fièvre. Ses jambes ne pouvaient plus le soutenir, et le mouvement du cheval lui devenait insupportable. Parvenu à une vingtaine de lieues de Pondichéry, il dut renoncer à continuer sa route. Il se trouvait alors à Chilambaram, ville renommée dans toute l'Inde pour la magnificence de ses pagodes. « Déoda, dit-il à son jeune disciple, « il m'est impossible de faire un pas de plus, la fatigue m'accable. » « Qu'allons-nous faire, padre ?» demanda celui-ci. « Ordonnez, je suis prêt à obéir. » « Tu vas écrire à Pondichéry pour que l'on m'envoie un palanquin. C'est pourtant un luxe que je me suis toujours interdit. » Déoda écrivit la lettre que lui dicta le vieillard. Elle partit le jour même, emportée par un de ces coureurs infatigables qui font le service des dépêches à pied, tantôt au milieu des torrents de pluie que verse la mousson, tantôt sous les rayons d'un soleil assez ardent pour fendre les pierres. Étendu sur une natte, dans cette misérable chauderie, le missionnaire y attendit avec résignation l'avenue du palanquin, qui ne pouvait arriver avant une semaine. Mais Déoda trouvait les journées longues. Assis sur ses talons auprès du vieillard malade, il apercevait au-dessus des palmiers les pagodes de Chilambaram, qui découpaient sur l'azur du ciel leurs dômes revêtus de cuivre et leurs portiques gigantesques. Cette vue l'attirait. Il avait entendu parler de ces temples incomparables, visités chaque année par des milliers de pèlerins. Un matin donc, étant sorti pour aller acheter quelques provisions au bazar, Déoda se dirigea machinalement et comme malgré lui vers les pagodes. L'aspect de ces sanctuaires consacrés à l'idolâtrie lui inspira d'abord une sorte de terreur. Il en faisait le tour avec inquiétude et jetait un regard furtif par les portes entrouvertes. Les statues placées dans les niches, images bizarres, grossières ou menaçantes, avaient l'air de le regarder avec un sourire de pitié et de colère. Il y en avait aussi d'abominables devant lesquels il baissait les yeux en rougissant. Le néophyte voyait les brahmanes remonter les marches qui entourent les étangs sacrés, traîner sur les dalles de pierre leurs longs pagnes blancs bordés de rouge, et se perdre comme des fantômes sous les sombres colonnades. Ces personnages à la démarche grave et sereine, qui laissaient tout simplement sécher sur eux leurs vêtements humides, passaient et repassaient comme des sages plongés dans des méditations profondes. L'habitude de la domination qu'ils exercent de père en fils depuis tant de siècles sur les populations ignorantes leur a donné cette apparence de dignité qui tout d'abord inspire le respect. Occupés durant tout le jour du soin de leur corps, ils se baignent, se frottent de diverses essences, mangent, dorment et se promènent avec une étonnante solennité parce que ces actes naturels sont pour eux autant de pratiques religieuses. Un peu revenu de sa première impression de frayeur, Déoda considéra avec une certaine complaisance ces prêtres idolâtres qui affectaient des airs de divinité. Il fit un retour sur lui-même et compara la douce existence de ces hommes privilégiés avec la vie précaire que lui imposait sa qualité de chrétien. Lui, fils de brahmane, il devait renoncer à jouir de la considération si enviée à laquelle sa naissance lui donnait des droits. Il n'osait pénétrer dans l'enceinte de ces temples magnifiques où ceux de sa caste vivaient libres et fiers comme des demi-dieux. En versant sur son front l'eau du baptême, le père Joseph ne l'avait-il pas dépouillé de toutes les prérogatives de sa caste? N'était-il pas tombé aussi bas qu'un paria? des larmes montaient à ses yeux, tandis que ses réflexions troublaient son esprit, et il s'assit sur une pierre pour pleurer. À ce moment retentit au milieu de cet amas de pagodes séparées entre elles par des étangs, la conque sonore dans laquelle soufflent les prêtres hindous pour appeler la foule aux cérémonies de leur culte. Les voûtes des temples se renvoyaient en échos prolongés, les vibrations de ce rauque instrument pareilles au mugissement affaibli d'un taureau. Déoda se leva et vit de loin l'idole de Durga, la terrible divinité aux 8 bras, se balancer dans un palanquin somptueux que soutenaient 12 porteurs. Les bayadères dansaient comme des bacchantes devant la statue. L'air était imprégné de l'odeur pénétrante des parfums qui brûlaient de toutes parts. Des gongs et des trompettes de cuivre, terminées par des gueules de monstres, résonnaient par intervalles comme des clameurs mêlées de sanglots. La splendide clarté du soleil faisait scintiller les paillettes d'or qui constellaient les robes transparentes des danseuses. Sur les bras et sur les jambes nues de ces almées à la peau noire, étincelaient des bracelets et des anneaux enroulés comme des serpents. En proie à une sorte de délire, ces femmes, consacrées dès leur enfance au service des dieux, rejetaient violemment leur tête en arrière, agitaient les boucles suspendues à leurs oreilles et chantaient avec une grâce nonchalante, entr'ouvrant à demi leur bouche rougie par le bétel. Il y avait dans le tumulte de cette procession ce qui se trouve au fond de toutes les âmes tourmentées par les passions, une agitation fébrile, caché sous les dehors d'une folle joie. Déoda était dans l'âge où l'imagination s'exalte facilement. Quoique saisi d'une secrète épouvante à la vue de cette idole armée de symboles redoutables, il prêtait l'oreille aux voix des jeunes bacchantes qui représentaient, par la douceur de leurs accents et la vivacité de leurs danses, toutes les séductions de la vie. Élevé dans la foi chrétienne, sous la tutelle austère du père Joseph, il ne connaissait d'autre joie que le calme d'une conscience tranquille et la douce allégresse des fêtes du culte catholique. Cette musique bruyante, cette cérémonie tumultueuse capable de jeter le trouble dans l'âme la plus recueillie, remuait le cœur du néophyte comme le vent de la tempête secoue les arbustes mal abrités. Il oubliait, plongé dans une muette rêverie, le vieux prêtre malade qui l'avait élevé, les soins maternels dont une femme chrétienne avait entouré son berceau, et la jeune fille qui avait promis de prier pour lui. L'instinct de la race reprenant le dessus, Déoda subissait une crise douloureuse dont il n'avait pas conscience. Il était donc là, irrésolu, entraîné par de vagues pensées et comme flottant dans l'espace illimité lorsque la foule commença de se disperser. La cérémonie venait de finir. Un brahmane qui passa près de lui le regarda d'un œil de dédain et lui dit brusquement « Qui es-tu, toi, qui ne portes au front ni la marque de Siva, ni celle de Vishnu ?» Déoda baissa la tête sans rien répondre. « Si tu n'es qu'un paria, » poursuivit le brahmane d'un ton de colère, « comment oses-tu approcher de cette enceinte sacrée ?»« Je ne suis pas un paria, » répliqua Déoda profondément blessé. « Le sang qui coule dans mes veines est celui des Aryens. »« En effet, » interrompit le brahmane, « ta peau est moins noire que celle des gens de basse extraction, et la forme de tes traits indique que tu appartiens au caste des 2 fois nés. » Pourquoi ne portes-tu le symbole d'aucune secte? Je ne vois point non plus sur ton épaule le cordon d'investiture. » Déoda, déconcerté par ces questions, fit un mouvement pour s'éloigner, mais d'autres brahmanes arrivèrent, et il se vit entouré par eux. « Sans aucun doute, » dirent-ils tout d'une voix, « ce jeune homme a commis quelques mauvaises actions qui l'a fait exclure de sa caste. Chassons-le d'ici comme un chien. » « Attendez, » reprit celui qui le premier avait interpellé Déoda. « Je vois une petite croix sous son vêtement. Ce pauvre diable est un chrétien. »« C'est-à-dire un idiot ou un vaurien ?» ajoutèrent quelques brahmanes avec un sourire de pitié. « Les prêtres du Christ ne recrutent-ils pas leurs adeptes parmi ce qu'il y a de plus misérable ?»« Paria, vagabond, gens stupides ou déclassés, tout leur est bon. » Ces invectives arrachèrent à Déoda des larmes de honte et de colère. Il franchit d'un parapluie le cercle qui l'entourait et s'éloigna au plus vite. Dans sa précipitation, il heurta une femme aux yeux égarés, qui marchait comme au hasard en faisant des gestes extravagants. « Oh là, Kalabati, hé, la folle !» crièrent les brahmanes, s'adressant à la pauvre femme. « Toi qui as perdu ton enfant et qu'il cherche toujours, veux-tu prendre celui-là? Il n'y a personne. » Cette apostrophe fit sur la folle une impression singulière. Elle ramena sur sa tête rasée le pan de sa longue tunique blanche, et tournant ses regards vers le groupe de brahmanes qui se faisait un plaisir d'insulter à sa misère, si vous l'avez trouvé, reprit-elle tristement, dites-moi où il est. C'est pour vous moquer que vous parlez ainsi. Tiens, vois ce grand garçon qui s'en va là-bas, repartirent les brahmanes. Cours, cours donc, Kalavati, il va t'échapper. Déoda, en effet, s'était mis à courir. Mais la femme en habit de veuve s'élança sur ses traces avec l'impétuosité que donne la folie. Elle voulait le rejoindre à tout prix, et Déoda, qui fuyait devant cette pauvre créature idiote, semblait lui aussi avoir perdu la raison. Serré de près par Kalavati, il lui jeta quelques pièces de monnaie, espérant ainsi se dérober à ses poursuites. « Garde ton argent, » dit la pauvre folle, « je ne suis point une mendiante. Est-ce vrai que tu es mon fils ? Il y a longtemps que je l'ai perdu, et je le cherche dans tout le pays. » Parlant ainsi, elle le saisit par le bras et le considéra avec attention. « Si tu étais mon fils, » dit-elle à demi-voix, « tu porterais le trident rouge et bleu, symbole de la secte de Vishnu, qui brillait comme un arc-en-ciel sur le front de ton père. Va, tu n'es qu'un être dégradé, un étranger sur la terre de l'Inde. » « Mon Dieu, » dit en soupirant Déoda, « tout le monde me repousse et me rejette parce que je suis chrétien. » « Eh bien, » répondit une voix, « cesse de l'être. » Déoda se retourna brusquement. Il avait devant lui le chef des desservants de la pagode, un sacrificateur ou Purohita vénéré parmi le peuple et considéré parmi ses collègues à cause de sa grande science.